perdu entre mes rires et mon vécu. Je suis perdu entre ma tristesse et ce que je regarde dans la rue. Et je suis pas sûre de bien comprendre qui je suis. Qui je suis. C'est comme pour mélange quelque chose qui me démange un senti. Mon qui dérange et non, je sais pas. C'est comme de découvrir que c'est drôle et un peu triste de voir ce que je ressens finalement. Je crois que je sais pas. Et quand je me regarde, j'ai du mal à garder les yeux ouverts. Dis-moi ce que je dois faire. J'ai du mal à lâcher prise, du mal à retenir les rivières. Dis-moi ce que je dois faire. Me perdre dans les nuages, échanger de visage. Je sais pas trop comment gérer ce qu'il y a sous ma peau. Je sais pas trop. Je crois que je commence à accepter mes défauts. Je veux que tu me dises que ce que tu vois de moi c'est beau. Je veux que ce soit beau. C'est comme un bon mélange, quelque chose qui me démange en sentiment qui dérange. Non, je sais pas. C'est comme te découvrir que c'est drôle et un peu triste de voir ce que je ressens finalement. Je crois que je sais pas. Et quand je me regarde, j'ai du mal à garder les yeux ouverts. Dis-moi ce que je dois faire. J'ai du mal à lâcher prise, du mal à retenir les rivières. Dis-moi ce que je dois faire. Me perdre dans les nuages, échanger de visage, prendre un nouveau virage. Est-ce que je peux essayer? Je dois tout laisser tomber. C'est comme un bon mélange, quelque chose qui me démange, un sentiment qui dérange.